droit d'auteur, enlève. Simplement je te dis que je t'aime. Je t'aime comme un soleil qui brille dans mes nuits. Et je prends racine en toi. Oh femme, femme. J'ai testé pour vous être une femme. Et aujourd'hui, ça va être une interview d'Emily qui va nous parler de son avis sur ce qu'est être une femme. Tu peux dire bonjour. C'est pas un monologue. Fallait me le dire. Donc bonjour Emily. Bonjour Kansiane. Comment vas-tu? Bien et toi? La famille, les amis, ça va? Donc plus sérieusement, qu'est-ce que c'est pour toi être une femme en France au 21e siècle? Alors, belle introduction. Et bah tout d'abord, être une femme en France au 21e siècle, c'est être libre, choisir ce que tu veux faire dans la vie, ne pas être gouvernée par des hommes, même si c'est toujours le cas. C'est tout d'abord, pour moi, être une femme libre, de pouvoir faire ce que l'on souhaite, de choisir son mari, ses études, son travail. On peut être PDG d'une entreprise comme être championne d'athlétisme. Exact. Oui, les temps changent. C'est aussi le droit de porter des jeans, des débardeurs, des midi-jupes et des baskets Nike. Sans se faire siffler. Ça existe toujours. C'est un idéal. Un idéal qui n'existe pas. surtout qu'il y a encore beaucoup de préjugés. Mais on va en venir. Quels sont pour toi les clichés sociaux de ce qu'est être une femme ? Donc aujourd'hui, c'est encore faire la cuisine, le ménage, s'occuper des enfants, aller les chercher à la nourrice ou à l'école, les emmener le mercredi après-midi aux activités. Qu'on impose aux femmes. Ah, et faire le ménage et entretenir la maison et s'occuper de nos chers enfants. Moi j'en ai pas. Tu en voûte et je dors plus. Toutes les nuits je te vois passer au plafond. Vous devez confondre monsieur, ce n'est sûrement pas moi. Mais si, samedi soir t'étais sur la planche à repasser et Germaine sur la table à ouvrage. Faut pas m'en vouloir, je suis entourée de vicieuses. Donc les clichés sociaux de ce qu'est être une femme aujourd'hui, c'est en premier lieu faire le ménage, la cuisine et entretenir la maison. Et surtout que les femmes... dans l'idéal commun, ferait mieux le ménage que les hommes. Ouais. Aussi, les femmes, souvent, elles savent faire plusieurs choses à la fois. Ce qui est un cliché aussi. Oui, mais après, c'est un peu vrai aussi. Hein. T'as déjà vu une femme jouer avec la grande et porter le petit dans les bras qui pleure? Ça, j'ai déjà fait. Hein. Je sais pas faire deux choses à la fois, personnellement. C'est parce que t'es pas douée. C'est aussi pas savoir manier le marteau ni la pince... ni les pinces. Parce que le bricolage, c'est pour les hommes. C'est ça. Pas jardiner non plus, parce que il paraît que le jardin, c'est aussi pour les hommes. Et aussi qu'elles sont vues comme des filles fragiles et douces. Et voilà. Quelles sont pour toi les injonctions à la féminité que la société nous impose ? Donc, pour définir ce que c'est la féminité, comme la masculinité l'est pour les hommes, c'est un ensemble de codes qui régissent ce qu'est être une femme. Une femme bien ou pas assez féminine. Ce sont des codes sociétaux parce qu'il n'y a rien dans la génétique qui fait qu'on aime spécialement le rose ou les poupées, t'es d'accord ? On ne naît pas femme, on le devient. C'est une célèbre phrase de Simone de Beauvoir. Cela veut dire que les identités de genre sont acquises et non innées. Donc des exemples, est-ce que tu aurais des exemples d'injonctions à la féminité ? Oui, j'en ai quelques-unes qui me viennent en tête. Donc tout d'abord... les injonctions à la féminité, il y a que les femmes doivent être belles tous les jours et qu'elles doivent avoir une belle posture, une belle tenue, être bien maquillées, porter de belles chaussures, etc. Se tenir droite, être toujours de bonne humeur et pour se faire aimer par les hommes. Oh là là. Aussi, qu'elles ne doivent pas donner leur avis, ne pas contester, ne pas se révolter. Elles ne doivent pas faire de vagues pour ne pas prendre trop de place par rapport aux hommes. Moi ? Je parle jamais. C'est cela, oui. Et c'est une interview, en fait, où tu donnes aussi ton avis. Mais il lit pas mes notes aussi. Mais quelle idée de m'en mettre sous les yeux quand je... Mais j'ai besoin de l'ordinateur, moi. Bon, c'est aussi avoir une belle silhouette, être mince, épilée totalement, et être bien coiffée, toujours aller chez le coiffeur. Et les gens, bon, surtout les hommes, ne peuvent pas comprendre que nous, l'épilation, au bout d'un moment, ça nous saoule un peu. Parce qu'y faire toutes les semaines, voilà. Et ça coûte cher. Aussi, et puis en plus, ça fait mal. Et apparemment, les femmes ne sont définies que par leur beauté. Et les hommes auraient le droit de donner leur avis sur notre corps. Qui peut avoir le droit de décider pour moi ce qui est bien ou mal, hein? Qui? Ah oui, et puis il y a des choses que l'on peut dire parce que c'est choquant. Et puis d'ailleurs, on peut ni roter ni péter devant un mec parce que, oulala. C'est pas très féminin. Pas du tout. Par contre, ils ont le droit. Bah après, il y en a beaucoup qui évitent, moi quand tu les connais pas. Ah, la célèbre phrase, il faut souffrir pour être belle. Bah non, on devrait pas avoir à souffrir pour correspondre au code de la féminité. Après, il y en a qui... Il y a des choses qu'on peut pas dire parce qu'on est une fille. Ça, c'est la phrase de ma grand-mère. Et bah c'est pas joli devant la bouche d'une fille. Une phrase qu'on ne devrait pas avoir à dire. Et la dernière injonction à la féminité. Une femme ne doit pas avoir trop de partenaires sexuels, sinon... Elle est considérée comme une fille facile. Voilà. Donc pour conclure, une femme n'est qu'une machine à désirer, dont l'homme peut s'approprier totalement le corps et donner son avis. Ouais, ça fait réfléchir. Mais oui, non, mais bien sûr, ça fait réfléchir maintenant. Mais à quoi? J'ai deux films à conseiller. Tiens-toi droite, de Katia Levnovic. Le rôle des femmes contemporaines qui sont prises entre les idéaux de féminité et leurs propres rêves et ambitions. Et le second film, c'est Je ne suis pas un homme facile, qui inverse les rôles de genre dans un monde fictif. C'est une comédie romantique mais féministe. Émilie, quand est-ce que tu as compris que tu étais une fille? Est-ce que t'as eu une éducation différente des mecs? Parce que faut préciser que t'as trois frères et que t'es la seule fille. I'm a winner. Et la plus petite. Ouais. Je ne pense pas avoir eu une éducation différente de mes frères, parce que vu qu'on était élevés tous ensemble... Bah après, il y a certainement des choses que je ne faisais pas comparer à eux. Cela dit, quand ma mère est retournée, je faisais pareil qu'eux, donc... bah après, comprendre que t'es une fille, bah c'est un peu dans la vie de tous les jours, parce qu'il y a certains trucs que tu peux faire comme les garçons. Et d'autres que tu peux pas faire comme eux. Eux, ils se baladent torse nu dans la maison. Toi, à un certain âge... Je me suis vite rendu compte que ça le faisait pas. D'accord. Je ne comprends pas d'ailleurs. Et comment t'as grandi? Comment tu as été élevée par tes parents? Est-ce que tu faisais les mêmes tâches que tes frères? Ça non, parce que mes frères ils faisaient le jardin et que moi, ce qui m'allait très bien, je faisais pas. Mais moi après je faisais le repassage, donc... Après j'ai tondu la pelouse comme eux. Ouais. Ouais. Est-ce que t'as eu une crise d'adolescence? Oui, je pense. Comme tous les ados. C'est bien passé ou pas? Bah déjà s'il y a le mot crise dedans, c'était peut-être pas que ça s'est forcément bien passé. C'était quand? Oh bah j'en sais rien ça. Un peu tout le temps, non? Moi, pas de moment particulier? Bah non. Après, de toute façon, déjà quand t'es une fille et que t'as tes règles et que t'as les hormones qui font des youhou. Tu t'es pas révoltée contre tes parents, contre tes frères? Tu t'es envoyé balader? Non. Après je me révolte un peu toujours contre mes frères, hein. C'est bien, tu te laisses pas faire. Étant ado et encore aujourd'hui, est-ce que t'as des activités qui correspondent aux attentes de la société pour une fille? Je pense que oui. Bah, déjà. Sportive, musicale. Le sport, bah ça j'en fais pas beaucoup, donc. Et puis la danse encore moins, parce que c'est pas mon truc. T'as fait de la gym, non? Ouais, de la gym au sol. Mmh. C'est vrai qu'il y a avec des filles. Ouais. Voilà. Après, bah je fais la cuisine parce que j'aime bien ça. C'est aussi un truc féminin. Après, par contre, je fais de la musique et en trompette, il n'y a pas beaucoup de filles. Si bien que même que je suis la seule fille dans mon groupe. Je fais du vélo aussi, mais ça, tout le monde en fait. D'accord. Quel est ton rapport au corps? Oula. Tumultueux. Terrible. Non, bah après, faut s'accepter, hein, puis ça passe. Ça passe ou ça casse? Non, tu veux pas en parler? Non. Est-ce que tu aurais un exemple d'une fille qui incarne une idée positive de la féminité et qui est à l'aise dans son genre, réel ou fictif? auteur, comédienne, autrice, pardon. Autrice, ça, c'est pas beau ça. Mais faut mieux le mettre auteur avec un E. revenons à nos moutons. Tu as, j'ai une idée qui me vient en tête, on pourra le supprimer au pire si c'est pas bon, mais t'as Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes. Ouais. Qui tombe amoureuse du beau Will Turner, parce qu'il faut quand même mettre un peu de préjugés dans les films, autrement c'est pas drôle, mais elle a réussi à se battre face à des garçons et à tuer plein de monde. Elle est cool cette fille. Hein. Après, qui est-ce que t'as d'autre Un exemple de meuf badass que t'aurais dans les films, dans les romans. Sophie Marceau. Tu connais pas Sophie Marceau? Je connais pas. Elle est trop bien, elle joue trop bien. C'est une actrice. Après, elle a pas joué dans des films de science, du moins de films où il y a des super-héros, mais elle est bien. Si après, t'as tu me parlais de J.K. Rowling. Ah oui, J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter et qui a une énorme imagination. Qui a réussi de se défaire d'un mari qui était pas très sympa avec elle. Et qui a réussi à montrer à la littérature qu'une femme pouvait réussir. Et d'ailleurs... Dans la vie sans son mari. C'est ça. Et d'ailleurs, elle est, c'est la plus riche... c'est pas la plus riche auteure de nos jours. Peut-être. Il me semble. Hein. Je crois que c'est la plus riche. Ça se peut. Ouais. J'en suis même sûre. Des meufs badass. Est-ce J'aime que... pas ce mot badass. Est-ce que t'aurais un conseil à donner à une jeune fille, une ado qui débute dans la vie? Genre collège. J'essaie de me rappeler de la belle phrase que tu as sortie tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. Il faut pas se construire en fonction du regard des autres. Parce que autrement, tu tombes vite dans... pas le désespoir, mais tu te compliques vite la vie parce que personne n'a le même regard. Et si tu veux plaire aux autres, tu ne te plairas pas toi-même. Donc il faut se plaire à soi-même avant. Oui, tu seras plus heureuse. Et se construire par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. C'est ça. De toute façon, les autres, ils sont jamais contents. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'était beau. Ah oui. C'est le moment poétique de la journée. Donc pour conclure, on peut rappeler que malgré les progrès non négligeables qui ont été accomplis par les féministes depuis le début du XXe siècle aux États-Unis, il reste aujourd'hui des problèmes à régler. Par exemple, on doit rentrer dans un moule social autant physiquement que dans notre comportement. On a toujours la peur de sortir seule dans la rue la nuit par risque d'agression sexuelle ou plus. À quoi bon, grand-père ? On se crève au labeur, on saccage, on pille, on viole les femmes et total, eh ben... Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces balivernes, Eric ? Et où on va avec tout ça, grand-père ? T'as parlé à quelqu'un, toi ? J'ai vu cette fille. Les bonnes femmes. C'est toujours les bonnes femmes qui nous collent des tas de problèmes. Les fameux 20% de moins sur le salaire des femmes comparé à celui des hommes, à poste égal. Et la charge mentale de la femme dans un couple hétéro, elle doit organiser l'emploi du temps de la famille, s'occuper de la maison, des enfants, penser à tout et être sur tous les champs de bataille. Après, ça c'est en train de changer. Hein. Effectivement, mais... Parce que moi je connais quelques familles où c'est le papa qui fait à manger, le repas de sage et le ménage. Parce que la maman a un gros poste. C'est classe ça. Hein. Ouais, ça devrait être comme ça de partout. Après, il y a aussi le partage des tâches. L'un qui fait à manger, l'autre qui étend le linge, ou les deux qui étendent le linge. Ouais, mais c'est surtout la charge mentale qui retombe toujours sur la femme, parce que inconsciemment, c'est elle qui doit s'occuper de tout. Oui. Le mari se dit, ouais, c'est bon, ma femme le fait. Ouais, après... Même quand la femme est au travail, elle pense à la maison. Ça, c'est vrai. Tu peux fermer la fenêtre. J'ai oublié d'éteindre le chauffage. Il y a ça dans le frigo pour midi. Chérie, tu peux aller acheter du pain? On n'en a plus pour ce soir. Bon, bah, je crois qu'on a fini. On a fait le tour. Ouais. Merci, Émilie. On est de rien, c'était avec plaisir. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté en entier. Et si vous voulez m'aider à grandir, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires et 5 étoiles sur iTunes.